Simon Poirier se joint à nous pour parler de technologie de l'information puisqu'il est chargé de communication à l'Institut technologie de l'information et société de l'Université Laval. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et cette semaine, plusieurs sujets nous attendent, mais on commence par parler de Google qui a inauguré un data center en Finlande. Et oui, on l'avait mentionné en fait alors que c'était à l'étape de projet, il y a ça plusieurs mois, et là, ça s'est fait, c'est ouvert. C'est donc un centre de calcul qui a été ouvert dans la ville portuaire finnoise d'Amina. Alors, Google a ouvert là-bas dans une ancienne fabrique de papier transformé. Ça coûtait à peu près 273 millions de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, on va voir des compagnies comme Google, comme Facebook et comme plusieurs autres aller ouvrir justement leur data center dans des pays nordiques. En fait, il y a Facebook qui va en ouvrir un en Suède prochainement. Il y a Deep Green qui va utiliser les eaux d'un lac qui s'appelle Wallensee en Suisse pour son centre de calcul aussi. Parce que de plus en plus, en fait, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup d'économies à faire puisque la température est beaucoup plus faible, oui. Puisque l'eau est beaucoup plus froide. Alors, on peut utiliser l'air pour refroidir le centre de calcul. On peut utiliser l'eau pour le refroidir également. Et donc, c'est intéressant. Ça peut représenter une belle économie d'échelle. Et en même temps, comme on utilise les moyens ambiants pour refroidir ces centres-là, eh bien, un beau côté développement durable aussi là-dedans parce qu'il n'y a pas d'autre énergie qui est nécessitée pour refroidir les ordinateurs. C'est l'environnement qui d'abord et avant tout est utilisé pour les refroidir. Mais je trouve ça spécial qu'on n'y ait pas pensé avant. Il me semble qu'au lieu de gaspiller l'énergie à refroidir, pourquoi on ne va pas dans un milieu qui est déjà froid? C'est simple, là. Hein? Mieux autant que jamais. Mais non, heureusement, oui, c'est vrai. Et c'est comme ici à l'Université Laval, en hiver, il y a certains centres de calcul, notamment le superordinateur. La chaleur générée par les ordinateurs est récupérée pour chauffer en partie, bien entendu, le reste du campus. Alors, de plus en plus, on voit des pratiques comme ça et qui sont intégrées, qui sont développées. Et on continue dans les noms qu'on connaît bien, Twitter, cette fois-ci, qui est utilisé dans des cours de littérature. Il y a un dossier qui est paru là-dessus. Oui, en fait, c'est un petit magazine en France qui s'appelle École numérique, qui a lancé un dossier sur l'intégration notamment de Twitter au cursus scolaire. Et d'abord, en fait, on dirait que les gens sentent le besoin de justifier un peu cette intégration-là. Et ce qu'eux disent, mais regardez, la contrainte de 140 caractères qui est absolument intéressante pour réfléchir à des problématiques littéraires et sociales et pour amener aussi un esprit de synthèse de la part des étudiants tout en les faisant utiliser un médium et un langage qu'ils connaissent déjà assez bien. D'ailleurs, de manière générale, là, les professeurs qui témoignent dans ce dossier-là disent, ben, regardez, il y a eu des gens qui ont participé, qui dans ma classe n'étaient pas ceux qui habituellement participent aux exercices, qui subitement se retrouvaient chef de file de l'enthousiasme de la classe dans le développement d'initiatives. Et dans le cas qui nous intéresse cette semaine, eh bien, c'est des cours qui se sont créés, en fait, des comptes Twitter. Donc, exemple, un cours de littérature. Eux ont créé un compte Twitter. On peut encore le trouver, d'ailleurs, à @litlys, donc LITTLYC. Et à travers ce compte-là, il y avait plusieurs objectifs pédagogiques. Donc, il fallait créer une émulation et une motivation dans la classe par l'utilisation du réseau pour profiter de sa dimension sociale. Il fallait faire produire chez tous les élèves un écrit, aussi minimaliste soit-il, il fallait aussi faire réfléchir à la communication induite par ce réseau. Et donc, parallèlement, ils ont décidé aussi d'associer leur compte à des comptes d'autres classes, donc d'autres collègues professeurs, pour qu'ils puissent aussi avoir un dialogue entre les classes sur des thématiques qui seraient explorées par différents groupes. Donc déjà, il y avait un côté relayage qui était intégré. Il y a un côté public, bien entendu, au compte Twitter. N'importe qui peut s'y abonner. Alors, il y avait un dialogue autour des œuvres entre les élèves, entre les classes et entre les classes et le public qui pouvait être intéressé à suivre ces travaux-là. Et donc, à travers ce compte-là, ils ont posté différents tweets. Ils ont fait des tweets de communication, des tweets qui profitaient de la contrainte de l'écriture pour produire, par exemple, des IQ autour d'analyse de pièces de Samuel Beckett qui était au programme. Donc, ils disaient, à la place de faire une analyse littéraire de 2 pages, faites une analyse viable en 140 caractères. Mais c'est aussi difficile, sinon plus. Ben oui, et trouver le bon aspect, trouver le bon mot. Et en même temps, c'est clair qu'il faut être le plus précis possible. Donc, comprendre le poids que chaque mot a, et ce qui n'est pas nécessairement un exercice qui est toujours fait. Alors, c'est un bel exemple, en fait, de communication. Je rappelle le compte Twitter, donc c'est @litlink. Et sinon, c'est dans l'école numérique là, pour voir s'il y a eu d'autres tentatives similaires qui ont été faites. Et globalement, ça s'est soldé de manière assez positive. Alors, je crois que c'est une belle initiative à signaler parce que de plus en plus des initiatives comme ça, on va en voir jaillir à gauche et à droite. Ah oui, ça c'est certain. Il faut savoir manipuler tout ça, évidemment, et on se rend compte que les compétences technologiques, c'est de plus en plus un critère d'embauche. Mais oui, en fait, il y a une firme, le GEMS Global Partnership Schools, qui ont fait une étude. Ils ont été contactés des entreprises aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Chine et au Brésil, donc ça couvre quand même beaucoup de cultures. Et il y a 40% des entreprises interrogées dans cette étude-là qui considèrent que les capacités en TI, en mobilité et en réseau sont les capacités les plus importantes pour les gens qui entrent en fonction dans leurs entreprises. Ce qu'ils disent, en fait, j'ouvre les guillemets, les chefs d'entreprise ont tous eu un choix à faire. Ils devaient nous dire ce qu'ils considéraient comme nécessaire. Est-ce que c'était avoir des compétences technologiques, des compétences linguistiques, techniques, être autonome, ouvert à l'innovation ou capable de travailler avec des personnes de tous horizons? Eh bien, donc, 40% des gens ont dit c'est les compétences technologiques, d'abord et avant tout. L'ouverture à l'innovation aux États-Unis est arrivée en deuxième. Donc, encore là, on reste dans le côté très, très technologique. Alors, c'est intéressant. Et le rapport révèle aussi que les entreprises regrettent de n'avoir eu que peu d'influence sur les réformes de l'éducation, pas en Chine, mais ailleurs, là. Donc, on estime que les étudiants ne sont pas nécessairement bien préparés au monde du travail et donc il y a beaucoup de lacunes qu'eux doivent combler. Alors, ça aussi, c'est à retenir. Ce serait intéressant de voir s'il y a une analyse similaire aussi qui est faite au Québec. Mais donc, globalement, ce qu'on retient, c'est que les compétences technologiques, la compréhension des technologies est de plus en plus nécessaire dans le cadre d'un emploi. Et par ouverture à l'innovation, qu'est-ce qu'on entend? Bien, c'est d'être ouvert aussi à l'intégration de nouvelles technologies, de nouveaux procédés et à une mise à jour qui, de par l'évolution technique extrêmement rapide, devient presque constante aussi. Alors, des gens qui sont capables de travailler avec les technologies et qui sont à l'affût des nouveautés aussi et des nouvelles manières de procéder dans le domaine des technologies. On n'a pas trop le choix. Juste avec Facebook, il y a des changements de jour en jour. On ne sait même plus comment l'utiliser nous-mêmes. Donc, c'est sûr que dans un emploi, il faut être capable aussi de s'adapter. Raymond, prochain sujet, il y a des chercheurs en sciences sociales aux États-Unis qui tentent de prédire l'avenir grâce au présent numérique. Oui, en fait, j'ai trouvé ça très, je dirais pas drôle, mais un peu surréaliste. Quand j'ai vu passer cette nouvelle-là, notamment, il y a le Devoir qui l'a rapporté, si vous voulez farfouiller de votre côté. En fait, c'est l'Institute for Computing in the Humanities, Art and Social Science qui ont fait une expérience, en fait, pendant plusieurs mois. Les chercheurs ont nourri un super ordinateur avec des millions d'articles, des centaines de millions d'articles et documents qui provenaient d'une multitude de sources dites ouvertes. Donc, on a intégré autant des communiqués gouvernementaux, des compilations de nouvelles locales et internationales, les archives du New York Times de 1945 à nos jours, l'information laissée sur les réseaux sociaux un peu partout dans le monde. Donc, vraiment, des masses, des masses et des masses de données numériques qui ont été intégrées, qui ont été mises en interrelation aussi. Et l'objectif des chercheurs, c'était d'essayer d'analyser l'état d'esprit qui émanait de toutes ces données-là et de suivre aussi cet état d'esprit dans l'espace et dans le temps. En fait, l'analyse, la comparaison avec la science-fiction, j'en ferai, c'est qu'on est presque en train de voir la psycho-histoire naître, donc cette psycho-histoire inventée par Isaac Asimov dans Fondation. En fait, c'est l'impression que ça me laissait. Bien entendu, c'est un peu surréaliste, mais reste que si on se fie à cette recherche-là, cette expérience-là, ils ont réussi notamment à établir des signes avant-coureurs de la chute de Moubarak en Égypte un mois avant qu'elle ne se produise. Ils ont réussi à trouver où était Ben Laden un mois avant que les États-Unis le trouvent, aillent l'arrêter. Donc, des choses comme ça qui ont été réalisées. Ce qu'ils disent avec l'Égypte, notamment, c'est que, dans le fond, il a tué l'Égypte depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il ne se passait rien. Et donc, il y avait subitement une courbe, des éléments dans les préoccupations qui montraient qu'il y avait quelque chose qui était en train de commencer à se passer. Alors, c'est assez intéressant. Donc, est-ce qu'on serait en train de réussir à prédire un peu l'avenir? Bon, je n'irai pas jusque-là, mais reste qu'il y a donc quelque chose à creuser un peu là-dedans. Parallèlement, il y en a d'autres aussi qui sont amusés à faire la cartographie des comportements humain. Donc, avec les données aussi qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, donc d'être en mesure de voir si, exemple, si on est déprimé, si on est joyeux, est-ce que c'est un mouvement qui est qui est hors de l'individu, en fait, qui est une joie d'une cité, d'une ville, d'un pays. Et ils ont remarqué aussi, de manière générale, que... ça, c'est le London School of Economics. Donc, qui ont remarqué qu'il y avait des tendances plus globales qu'individuelles quant à ce qui faisait qu'on était joyeux, autant au niveau de l'actualité, d'événements, de nouvelles, des choses comme ça, donc des choses qui se passaient au quotidien, mais également des facteurs externes, exemple la présence de conifères, de feuillus dans notre environnement, qui nous rendaient un peu plus heureux. Et la London School of Economics, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont incité les propriétaires de téléphones intelligents à aller se prêter au jeu en installant une application qui s'appelle Mappiness. Et donc, à chaque jour, de dire, ben, OK, est-ce que je suis joyeux, est-ce que je suis triste? Donc, juste d'informer. Juste oui, non. Et à partir de ça, ben, d'être en mesure de voir justement où les gens sont-ils joyeux aujourd'hui, où sont-ils tristes, et qu'est-ce qu'on peut voir un peu autour, au travers de ça. Et peut-être dernier exemple qui est tout aussi sauté que les deux premiers, c'est la Technology Review du Massachusetts Institute of Technology du MIT, qui indiquait récemment qu'il y a, des chercheurs d'Indiana qui ont réussi avec une précision de 86,7% à partir des éléments sur Twitter à prédire l'indice boursier Dow Jones. Non. On a réussi ça. On a réussi ça à 86,7% de justesse, ce qui est quand même très bon. Ben oui, c'est quand même très, très bon. Là, je suis épaté, je le dis. Alors, il y a beaucoup de choses qui circulent sur les médias sociaux, ben oui. Et ça peut être interprété. Wow! Voilà, je suis sans mots. Mais Raymond, en terminant, l'Institut de technologie de l'information et société de l'Université Laval organise une conférence grand public très bientôt. Oui, en fait, tous les auditeurs et auditrices sont invités, sont conviés. En fait, la conférence, c'est lundi le 3 octobre prochain en soirée à 19h30 à la chapelle du Musée de l'Amérique française. Donc, c'est une conférence qu'on présente en collaboration avec le Musée de la civilisation dans le cadre de l'exposition Rome, qui a connu un très, très beau succès, ouais. Et qui en connaît toujours un. Et nous, on se pose un peu la question, en fait, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, là, d'aller se promener dans la Rome de l'Antiquité? La réponse, bien entendu, est oui, grâce à l'apport des technologies 3D. En fait, la cité s'est ouverte au monde virtuel avec des initiatives, on pense à Rome Reborn. Mais comment, justement, les chercheurs d'ici autant que d'ailleurs s'y prennent-ils pour recréer les merveilles du monde antique? Alors, on a deux conférenciers, Robert Vernieux, qui est directeur d'Archéovision, qui est le Centre national de ressources numériques 3D de la plateforme technologique 3D de l'Université de Bordeaux 3. On a Mathieu Rochelot, qui est étudiant au doctorat en histoire à l'Université Laval, spécialisé dans le dossier de la modélisation 3D, qui vont vous proposer, donc le 3 octobre, une incursion dans l'univers de la création de représentations visuelles 3D du passé. Vous allez pouvoir voir autant les pièges de ces représentations-là, leur grande réussite, et aussi saisir leurs possibilités à travers une multitude d'exemples. Alors, ça va être assurément extrêmement intéressant. En fait, je le sais, puisque j'ai vu déjà les résumés et sur quoi on s'enligne, ça va être extrêmement éclairant. Alors, c'est, je le répète, lundi, le 3 octobre prochain à 19h30. Mettez ça à votre agenda. C'est à la chapelle du Musée de l'Amérique française et c'est entièrement gratuit. Merci beaucoup, Raymond Poirier. On se reparle la semaine prochaine. Oui, sans faute.